On vous en parlait un peu plus tôt à l'émission. Il en sera certainement relativement beaucoup question aujourd'hui également à l'information. Québec a déposé hier son projet de refonte de la loi sur les mines. Le projet de modification prévoit notamment un resserrement des règles imposées aux entreprises. Parmi les mesures qui sont proposées, une augmentation des pénalités envers les entreprises qui se conformeront pas aux règles, entre autres concernant la restauration des sites miniers. Il est question également d'imposer aux sociétés minières de défrayer l'ensemble des coûts liés à la restauration des sites miniers à la suite de leur exploitation. Je discute de ce projet de modification de la loi sur les mines avec Christian Simard, il est directeur général de Nature Québec, un organisme membre également de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Monsieur Simard, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, la modification à la loi acquiesce à certaines des demandes quand même qui sont émises par la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Par exemple, celle d'obliger les promoteurs à verser à l'intérieur de 5 ans plutôt que 15, là, comme le prévoyait la loi, le montant nécessaire à la restauration des sites miniers. Est-ce que c'est une réelle avancée selon vous, ça? Oui, cet élément-là est une réelle avancée dans le projet de loi promis depuis plusieurs années, là, qui faisait l'objet d'un consensus et on finissait pas par aboutir. Maintenant, oui, c'est une avancée. Malheureusement pour nous, le 100% de restauration n'inclut pas, par exemple, le démantèlement des bâtiments là par la mine. Donc, et aussi, ce qui m'apparaît plus fondamental, l'obligation de remplir les fosses comme la fosse de Val-d'Or ou la future fosse de Cisco là, à Malartic. Donc, après l'exploitation, pour nous, la restauration complète aurait voulu dire aussi de ramener le sol au niveau et de restaurer ou d'avoir un milieu humide ou un lac là, viable et non un trou qui se remplit tranquillement d'eau. Donc ça, c'est un manque à ce sens-là. Selon cependant, vous. Le côté de... Parce que vous savez, il y avait quelque chose d'aberrant de savoir que d'office, si une mine était abandonnée, les payeurs de taxes se retrouvaient avec une très forte partie Absolument. De la facture. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une correction qui était nécessaire. Et une autre correction également, c'est les pénalités qui vont être imposées aux compagnies minières qui laisseraient du matériel sur le site minier après l'exploration. On parle d'amendes qui pourraient varier de 50 000 à 100 000 $ quand même. Est-ce que vous étiez surpris? Est-ce que c'est des contraintes suffisante selon vous? Non, c'est intéressant parce que cet aspect-là est intéressant pour inciter à se ramasser. Là. Pour nous, c'est comme un minimum. Il y avait une tendance et il y en a énormément, ce genre de site-là où on laisse... C'est moins coûteux de laisser traîner le matériel, les skidoux, les bâtiments, etc., que de prendre un hélicoptère et on pense que ça peut avoir un effet. Mais selon nous, ce sont des mesures comme vraiment minimum là, où on colmate les grandes fuites là, de la loi sur les mines là, qui avait été soulignée par le vérificateur général. Mais on est globalement déçu d'une loi faite de demi-mesures et qui on aurait eu besoin d'une réforme plus en profondeur. Comme les Québécois demeurent les seuls à payer pour les 345 sites miniers abandonnés à travers le Québec, et donc c'est une facture de plus de 300 millions. Oui, on trouve que ça aurait été important et intéressant de créer un fonds de restauration. Ça aurait créé beaucoup d'emplois dans les régions minières pour nettoyer les erreurs du passé une fois pour toutes, que ça arrête de polluer l'environnement et de détruire les écosystèmes. Donc qu'on nettoie véritablement ça. Ça aurait pu faire un chantier extrêmement intéressant au niveau de l'emploi. Et malheureusement, on a rayé ça, on a fait une barre, puis on a dit avant, ben c'est les Québécois qui payent, puis après ça, on va essayer de faire autre chose. 300 millions quand même. C'est pas rien, 300 millions, et on pense qu'on aurait pu faire un fonds de restauration à frais partagés 50-50 avec l'industrie minière, et parce que les industries actuelles sont pas nécessairement celles qui étaient responsables de ces erreurs-là. Il y en a qui ont changé de nom et tout ça, là, mais il demeure que ça aurait été tout à fait un signal intéressant pour l'ensemble des Québécois, puis ça aurait donné de la job. Il y a une de vos demandes qui est refusée par Québec, entre autres celle de soumettre obligatoirement tous les projets miniers à une étude préalable d'impact sur l'environnement, avec une possibilité de recours aux audiences publiques encadrées par le BAP, ça aurait été essentiel. Oui, tout à fait. Vous savez, pour créer un aire protégée au Québec, on fait un processus complet pour le BAP, pour faire un parc d'éolien, c'est un processus, une route de plus d'un kilomètre, des marinas même. Et quand on exploite des mines de plusieurs milliers de tonnes de production par jour, là, il y a un processus de consultation publique qui est mis dans la loi, mais qui va être dirigé par l'entreprise elle-même, et on doute de sa véritable valeur. Ce qui nous rend triste aussi, c'est que des situations humaines extrêmement difficiles, comme il y a eu à Malartic, là, où finalement rapidement, une compagnie arrive puis négocie un à un avec les propriétaires d'un quartier qui va être démoli. Par exemple, il n'y a rien qui empêche, par exemple, que si éventuellement il y a des consultations publiques ou même des audiences publiques dans des cas extrêmes comme dans celui de Cisco, bien qu'on fasse les audiences publiques en même temps qu'on déménage les maisons. Là, la nouvelle loi n'empêchera absolument pas la situation qu'on a vécue à Malartic. Puis aussi la négociation un à un qui est souvent injuste. Un propriétaire reçoit plus que l'autre. La municipalité n'a pas un mot à dire véritablement. Ça se fait directement avec une menace d'expropriation à la clé. Ça crée des situations humaines extrêmement difficiles où des gens ont passé leur vie dans un quartier. Ils se trouvent démunis, pratiquement obligés de vendre. Il y en a qui vendent dans des bonnes conditions parce qu'ils sont plus habiles négociateurs. D'autres qui se font un peu avoir. Et pas d'aide, pas d'aide juridique et pas la possibilité de dire non de quelque façon que ce soit ou de négocier des conditions là qui soient plus égalitaires puis respectueuses des gens. Et ça, malheureusement, la loi ne le prévoit pas. De notre côté, on parle beaucoup de Cisco, par exemple, des fosses à ciel ouvert également. Mais il y a l'uranium, l'exploitation d'uranium aussi du côté de cette île qui inquiète beaucoup et qui n'a pas nécessairement été abordée. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on dit simplement, c'est quand on trouve de l'uranium à telle concentration, on doit en aviser le ministère, le devoir d'information. Mais pour nous, le débat a été, est-ce qu'on a besoin d'exploiter l'uranium? Vous savez, l'uranium, ça, on rentre dans le cycle du nucléaire. Il y a des problèmes sanitaires associés au confinement. C'est des éléments radioactifs. Est-ce qu'on doit creuser tout ce qu'il y a à creuser, exploiter tout ce qu'il y a à exploiter parce que éventuellement c'est là? C'est des questions éthiques qu'on doit se poser. Le ministre hier a parlé d'une loi exemplaire de développement durable qui mettrait le Québec comme un modèle. Mm-hmm. C'est beaucoup de mots, hein? C'est beaucoup d'enflure verbale. Ce qu'on voit, c'est une loi qui garde les mêmes principes de free mining qu'avant, avec des petites corrections. Maintenant, on avise le propriétaire foncier. Maintenant, on va être obligé de l'aviser qu'il y a un titre minier sur sa propriété. Je suis forcée de vous arrêter ici, M. Christian Simard. Merci beaucoup pour ces précisions, de votre présence ce matin également. Christian Simard, directeur général de Nature Québec.